Question 25. Je roule à 80 km/h. Je suis en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D.